15, ben les Saguenay de Chicoutimi ont été éliminés contre les Wildcats de Moncton. On va parler avec notre collaborateur des Saguenay, Serge Aymon, puisqu'il y a eu une conférence de presse plus tôt cette semaine. Salut Serge! Oui, ça va bien, Serge. 5 matchs que les Saguenayens ont joué contre les Wildcats de Moncton. Certains observateurs avaient même pensé que ça pourrait être. Les Saguenayens pouvaient causer une surprise, mais définitivement que ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Ils n'ont pas joué des. Je ne peux pas dire qu'ils ont joué du mauvais hockey, là, pour être franc. Les Saguenayens ont quand même bien défendu leur peau. Tu sais, on regarde ça. Ils ont perdu tous les matchs par un but si on oublie que le dernier a été. Pratiquement, le dernier s'est terminé 4-1, mais il y a eu deux buts dans un filet désert. Ouais. Dans, match. Dans les deux autres, ils venaient à cette heure dans le match, ou bien c'était à l'égalité. Il était dans le coup, mais la différence entre une équipe qui connaît une bonne saison et une équipe qui connaît une mauvaise saison, ben, c'est souvent ça. Le petit but qui fait la différence, le bon, quelque chose, la petite différence. La différence n'est pas grande, puis finalement, la série était un peu à l'image de la saison. Non, effectivement. Quelle saison? Je me rappelle, Serge, en début de saison, tu disais, parce que certains observateurs les voyaient même dans le top 4, toi, tu nous avais rendu sur temps en disant top milieu du peloton, mais c'était une année difficile. Il y a eu la période de 9 matchs, là, quand Marc Fortier et Pat Poche ont été limogés. Finalement, par la suite, c'est comme revenu à la normale. Et les blessures aussi. Faut pas oublier les blessures dans cette saison difficile. Bon, les blessures ont joué un rôle important. Moi, je reste convaincu que c'était une équipe de milieu de peloton. Je pense que la vraie position des Saguenayens, c'était une 9e dans ces coins-là. C'est sûr que quand tu perds un gars de premier trio comme Boudreau toute la saison, il a joué ses matchs. Tu ne peux pas faire autrement que faire mal. Dauphin a manqué beaucoup de matchs. Odod a manqué beaucoup de matchs. Rangel, tu sais, à un moment donné, tu survis. À un moment donné, il manquait 7 attaquants dans l'équipe. Je veux pas, tu sais, ça peut pas faire autrement qu'influencer sur le résultat. C'est sûr que les blessures ont influencé beaucoup, beaucoup le déroulement de la saison. C'est pas une équipe de 15e place. Tu sais, t'avais pas une série entre une équipe de 2e place et une équipe de 15e place. C'est une meilleure équipe que la 15e place. OK. Y a-t-il quand même des points positifs que tu retiens cette année? Julio Bilia, qui s'est finalement développé peut-être comme le gardien de but qu'on attendait, surtout vers la fin de la saison. Hein? Oui, Julio a connu une bonne fin de saison. Dans l'ensemble de bonnes séries, il y a peut-être une coupe de but où il aimerait revoir la rondelle, là, je pense, particulièrement au match où il naît 3-1 et qu'ils ont perdu 4-3. Avec 3 buts en 3e période de Moncton. Mais dans l'ensemble, Julio a connu une bonne fin de saison. Les séries de Nicolas Roy sont aussi très encourageantes pour les Saguenayens. Il a été probablement le meilleur joueur de l'équipe dans les deux premiers matchs à Moncton. Ensuite, pour faire un peu l'image de la saison, là, il a été malade. Il a pogné un gastro, puis il a été malade pour le reste de la série. Il a joué pareil, mais il n'aurait pas dû. Ou il aurait probablement le sauter quelques tours si ça avait été la saison régulière. Ça fait partie des éléments positifs de ces séries-là. Pour le reste, il n'y en a pas gros. Tu regardes ce qui se passe pour l'année prochaine, tu te dis, coudonc, c'est quoi sur quoi tu bâtis ton équipe, puis je vois pas beaucoup d'éléments. Ouais, effectivement. Puis ça va ressembler à quoi l'an prochain? Ça va être très difficile. Très difficile encore, mais les gens attendent ça depuis des années. Et je pense que c'est quoi? C'est une ronde qu'on a faite l'année qu'on était chez Jean-Gabriel Peugeot. À part de ça, on disait tout le temps, écoute, on a eu des années 3 choix de première ronde, 3 ans de fil, puis on n'est pas capable de se développer. Les gens vont commencer, ça va commencer difficile pour la vente des billets de saison. Mais ils sont chanceux d'avoir encore une bonne fois. Ouais. Ça vire en rond depuis 12e année, les Saguenayens. Il ne faut pas se cacher l'histoire. Pas se monter d'histoire, tu sais. À part la saison où ils ont payé le gros prix pour aller chercher Pajot et Christian Ouellette-Martel, puis Gagnon. Là, c'était rendu en demi-finale. À part ça, là, c'est toujours la première ronde. Quelques matchs de série, ça s'arrête là. Ça vire en rond. Puis comme je te dis, l'année prochaine, je vois pas beaucoup mieux. Tu regardes là, les éléments sur lesquels tu peux te baser. T'as Billion devant le filet. En arrière, la personne qui revient, c'est Alain. Ouais. À la défense, il y a un Alain qui revient. Les autres, c'est des gars de 19 ou de 20 qui auraient 20 ans l'année prochaine. Là, tu vas en avoir un, peut-être deux. En avant, il te reste à Roy. Il te reste, pour dire de joueur d'impact. Parce que là, on perd Dauphin. Peut-être pagué, comme 20 ans. Ouais. Peut-être rangé comme 20 ans. Je fais le tour vite, là, des gars qui vont. Pourraient être des joueurs d'impact. Les Bouchard, les Allard, qui sont jeunes, est-ce que ça pourrait être. Ils pourraient arriver l'an prochain? Ben, il faut que ça lève. Oui, hein. À un moment donné, là, il va falloir que ça donne des résultats. Là. Bouchard n'a pas connu une très bonne saison. Souvent relégué sur le troisième ou quatrième trio. Allard était souvent sur la dernière paire de défense. À un moment donné, il va falloir que ça lève. Là. Il faut que c'est des gars de premier. C'est des choix repêchage. Des premiers choix repêchage. C'est un peu pour ça, d'ailleurs, qu'on paye, hein? Ben oui, c'est ça. Tu disais tantôt les trois saisons où ils ont eu trois premiers choix au repêchage. Malgré ça, soit qu'ils ont fait des mauvais choix, soit que les gars ne se sont pas développés. Si tu vas parler aux entraîneurs, ils vont dire que les choix étaient ordinaires. Tu vas parler aux dépisteurs, ils vont dire que c'est les coachs qui n'ont pas développé les joueurs. C'est toujours la faute d'un autre. Mais le fait est que cette séquence-là, des Saguenayens, où ils ont eu trois choix de première ronde en ligne pendant trois ans, ben, elle aurait dû payer normalement. Il aurait dû se bâtir un club solide avec ça, puis ils l'ont pas fait. Là, tu payes pour. Parce qu'ensuite, t'as été obligé de patcher, puis le patchage, ben, ça marche pas, tu sais. Cette semaine, Yannick Jean parlait de développer un sentiment de fierté. Ouais. Puis de sentiment d'appartenance à l'équipe au sein des joueurs. Mais ça, tu fais pas ça quand tu vas boucher les trous en allant chercher 5-6 gars de 19 ans pour compléter ton équipe. Ça commence avec un bon recrutement, bon développement des joueurs, c'est dans peu importe les services. Ouais. Michel Tifot, hier, disait à son nouvelle émission, parce que je vais être collaborateur, je l'écoutais sur CKG, il disait qu'il a su que le vestiaire était négatif avant la période des fêtes et Patrice Poche avait perdu son vestiaire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben, moi, je pense qu'il manquait dans ce vestiaire-là. Leadership? Je pense que Michel n'a pas tort. Ce qui manquait dans ce vestiaire-là, c'est un peu de poigne, un peu de leadership. C'est évident, là, tu vois, le club allait nulle part. Ça manquait de discipline en dehors de la glace, ça manquait de discipline sur la glace. Il aurait fallu que quelqu'un se lève, que ce soit les entraîneurs, que ce soit des joueurs, mais il aurait fallu que quelqu'un se lève et ramène tout ça. Mais c'est parti un peu comme un cerf-volant, puis c'est parti un peu tout croche. Puis ça paraissait sur la glace aussi. C'est la première chose que Yannick Jean a essayé de faire, c'est de ramener un peu d'ordre, un peu de discipline dans cette équipe-là. Puis quand tu regardes les échanges qu'il a fait, certaines des transactions étaient pour ça, pour remettre de l'ordre dans le vestiaire. Pas juste, les transactions n'étaient pas uniquement en espérant des résultats sur la glace, c'était pour mettre de l'ordre dans le vestiaire, pour faire le ménage. Effectivement. Ben Serge, un gros, gros merci de ta collaboration, encore une fois, cette année. On va se reparler au repêchage pour savoir un peu comment tu vois les Saguenay. C'est quoi, c'est dans deux mois? Ailleurs, t'es-tu surpris? T'es-tu surpris que les Remparts contre Cap-Breton, c'est allé en 7? T'es-tu surpris de ça? Oui, un petit peu. Ouais, hein? Je les regarde de loin. Je suis pas sûr qu'ils forment une très bonne équipe. Il y a un autre très bon joueur, mais on dirait que. Je sais pas, on dirait que. Le CIMAP, le Giro semble pas pogné, hein? On dirait que ça colle pas. Mais, ils ont été chanceux de s'en sortir. Cap-Breton avait quand même une couple de bons joueurs, mais c'était pas une puissance de ligue. Qu'est-ce que ça va faire en deuxième ronde, j'ai hâte de voir, mais ils ont été chanceux de s'en sortir. Oui, effectivement. Serge Legault, merci, puis on se reparle au repêchage. Le quotidien, Serge.